The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Tired. Fatigué. To sleep. Dormir. Enough. Assez. Night. La nuit. Alone. Seul. Now, a bit faster. Enough. Assez. To sleep. Dormir. Tired. Fatigué. Alone. Seul. Tired. Fatigué. Enough. Assez. To sleep. Dormir. Night. La nuit. Tired. Fatigué. Alone. Seul. Now, use the words in context. Fatigué. He is tired. Il est fatigué. Dormir. I want to sleep. Je veux dormir. Assez. He sleeps enough. Il dort assez. La nuit. It is night time. C'est la nuit. Seul. I am all alone. Je suis tout seul. Dormir. I want to sleep. Je veux dormir. Assez. He sleeps enough. Il dort assez.